Jésus-Christ, je t'aime. Jésus-Christ, je t'aime. Par ton Esprit Saint, que tu m'ouvres le ciel pour te contempler, Jésus, et puis pour faire mon choix. Jésus-Christ, je t'aime. Jésus-Christ, je t'aime. Par ton Esprit Saint, que tu m'ouvres le ciel pour te contempler, Jésus, et puis pour faire mon choix. Hosanna, gloire à Dieu, je te remercie, Jésus. Hosanna, c'est mon cri de joie. Jésus-Christ, je t'aime. Par ton Esprit Saint, que tu m'ouvres les yeux, Jésus, pour te contempler, Jésus, et puis pour faire mon choix. Jésus-Christ, je t'aime. Jésus-Christ, je t'aime. Par ton Esprit Saint, que tu m'ouvres les yeux pour te contempler, Jésus, et puis pour faire